بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons accordé en vérité une victoire éclatante, ô Mohammed, afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait, te guide sur le droit chemin et t'apporte un puissant secours. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. C'est lui qui fait descendre dans le cœur des croyants un réconfort apaisant afin d'accroître leur foi. À Dieu appartiennent les armées des cieux et de la terre, et il est omniscient et sage. Afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement, et afin de les absoudre de leurs péchés, et cela auprès de Dieu constitue un immense triomphe. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les polythéistes, hommes et femmes, qui pensent du mal de Dieu, que le sort s'acharne sur eux, Dieu est en colère contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! À Dieu appartiennent les armées des cieux et de la terre, et il est le puissant, le sage. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Nous t'avons certes envoyé, ô Mohammed, pour servir de témoin, pour annoncer la bonne nouvelle et pour avertir les gens, afin que vous croyiez en Dieu et en son messager, que vous le souteniez, le respectiez, et que vous proclamiez sa gloire et sa pureté au lever et au coucher du jour. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Certes, ceux qui te prêtent serment d'allégeance, ô Mohammed, ne font que prêter serment à Dieu. La main de Dieu est par-dessus leurs mains. Alors quiconque viole son serment ne le viole qu'à son propre détriment, tandis que celui qui respecte son engagement envers Dieu celui-ci lui accordera une immense récompense. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Ceux des Bédouins qui sont demeurés en arrière te diront: nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc le pardon pour nous. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas au fond d'eux-mêmes. Dis, qui donc peut empêcher Dieu, s'il le décide, de vous infliger un mal ou de vous accorder un bien? Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Vous pensiez que le messager et les croyants ne retourneraient jamais chez eux. Cette idée a été enjolivée dans vos cœurs. Et vous entreteniez de mauvaises pensées, peuple perdu que vous êtes. Quant à celui qui ne croit pas en Dieu et en son messager, qu'ils sachent que pour les mécréants, nous avons préparé un brasier ardent. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. C'est à Dieu qu'appartient le pouvoir suprême sur les cieux et la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Il demeure cependant pardonneur et miséricordieux. كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Quand ils vous verront sortir pour aller récupérer votre butin, ceux qui seront demeurés en arrière diront: laissez-nous vous suivre. Ils changeraient volontiers le verdict de Dieu. Dis-leur, ô Mohammed, jamais vous ne me suivrez. Dieu en a déjà décidé ainsi. Ils diront alors: vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais ils n'y comprennent rien, ou presque. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dis à ceux des Bédouins qui ont préféré rester en arrière: vous serez bientôt appelés à combattre un peuple d'une puissance redoutable. Vous les combattrez jusqu'à ce qu'ils se rendent. Si vous obéissez, Dieu vous accordera une juste récompense. Mais si vous vous détournez comme vous l'avez fait auparavant, il vous châtiera d'un douloureux châtiment. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. L'aveugle, le boiteux et le malade ne sont pas à blâmer s'ils ne participent pas au combat. Et quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et quiconque se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Dieu était satisfait des croyants quand ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il savait ce que contenait leur cœur et il a fait descendre sur eux un réconfort apaisant. Et il a donné en récompense une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin capturé. Dieu est puissant et sage. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Dieu vous promet un abondant butin que vous capturerez. Il a hâté cela pour vous et a retenu les mains de vos ennemis afin que tout cela soit un signe pour les croyants et afin qu'il vous guide sur le droit chemin. Il vous promet également d'autres butins que vous ne seriez pas capable de capturer par vous-même, mais qu'il tient en son pouvoir, car il détient le pouvoir sur toute chose. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Et si les mécréants vous combattaient, ils tourneraient vite le dos. Et après cela, ils ne trouveraient ni protecteur, ni personne pour les secourir. Telle est la règle de Dieu, appliquée de tout temps, et tu ne trouveras jamais de changement à la règle de Dieu. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a détourné leurs mains de vous, de même qu'il a détourné de vos propres mains, après vous avoir fait triompher sur eux. Et Dieu voit parfaitement tout ce que vous faites. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Ce sont eux qui ont refusé de croire et qui vous ont empêché d'accéder à la mosquée sacrée, comme ils ont empêché les offrandes d'atteindre leur lieu d'immolation. Des croyants et des croyantes se trouvaient parmi les mécréants, et comme vous ne pouviez les reconnaître, vous les auriez peut-être piétinés sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'un crime. Tout cela a eu lieu pour que Dieu fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Si les croyants s'étaient nettement distingués des mécréants, nous aurions certainement châtié ces derniers d'un douloureux châtiment. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Tandis que les mécréants nourrissaient en eux-mêmes un ardent fanatisme digne de l'âge de l'ignorance, Dieu faisait descendre un réconfort apaisant sur son messager et les croyants, et les faisait adhérer à la piété à laquelle ils avaient le plus le droit et dont ils étaient les plus dignes. Et Dieu est parfaitement informé de toutes choses. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Dieu a confirmé la vérité de la vision de son messager, à savoir que par la volonté de Dieu, vous entrerez en toute sécurité dans la mosquée sacrée, tête rasée ou cheveux coupés, sans éprouver aucune crainte. Dieu sait ce que vous ne savez pas, alors il vous a accordé avant cela une victoire éclatante. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est lui qui a envoyé son messager pour prêcher la bonne voie et la religion de vérité, pour la faire prévaloir sur toutes les autres religions, et Dieu suffit comme témoin. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Mohammed est le messager de Dieu. Ceux qui sont avec lui sont rigoureux envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois, ô Mohammed, s'incliner, se prosterner en prière, recherchant de Dieu grâce et agrément. On les reconnaît à la trace laissée par la prosternation sur leur visage. C'est en ces images que la Torah parle d'eux. Et dans l'Évangile, l'image que l'on donne d'eux est celle d'une semence qui produit de jeunes pousses, puis prend de la vigueur, et se dresse fermement sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. C'est ainsi que Dieu fait apparaître les croyants aux mécréants, remplissant ces derniers de dépit. À ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres, Dieu a promis un pardon et une énorme récompense.